recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Devant moi maintenant un groupe de noirs, je suis revenu sur Broadway, à un autre endroit de Broadway. Quatre policiers qui font marcher devant eux, les bras en l'air. Trois noirs, certainement surpris, en train de piller un magasin. Oui, ils sont d'ailleurs en ce moment devant une rangée de supermarchés. Deux coups de feu viennent d'être tirés à l'instant, alors que... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À Ferguson, dans le Missouri, de violentes émeutes ont provoqué pendant 2 jours, en août dernier, des affrontements brutaux entre la population noire et des forces de police utilisant des fusils d'assaut et des véhicules blindés. Ces émeutes furent la conséquence de la mort de Michael Brown, un adolescent noir de 18 ans qui n'était pas armé, abattu de 6 balles dans la rue par un policier blanc. Quelques mois plus tard, un enfant noir de 12 ans, Tamir Rice, qui jouait avec un pistolet à billes, a été tué à son tour dans des conditions assez semblables à Cleveland, dans l'Ohio, le 22 novembre. Sur quoi il s'est trouvé que, tout juste après, le policier de Ferguson a été acquitté par un jury populaire, verdict qui a provoqué de puissantes manifestations co-organisées par l'influente association de défense des personnes de couleur. Ainsi a ressurgi au devant de la scène la question raciale récurrente dans la police américaine, une question qui se pose depuis bien longtemps et avec une intensité spécifique depuis cette grande migration de la Première Guerre mondiale, qui a développé beaucoup la présence noire dans les grandes villes industrielles du pays, y compris East St. Louis, juste à côté de Ferguson. C'est donc dans cette longue durée, et en quête de nombreux précédents, que nous allons replacer pour mieux les interpréter les événements récents, grâce à la compétence de Pap Ndiaye, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste notamment de l'histoire des États-Unis, aux États-Unis en général et de la question noire en particulier. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drown. Here is a strange and bitter cry. Pam Diaye, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Strange Fruit d'Abel Méropole, une chanson qui a été créée en 1939 par Billie Holiday, qui est ici interprétée en 2014 par Molly Johnson. Je vais vous lire la traduction des paroles de ce poème. Les arbres du sud portent un étrange fruit, du sang sur les feuilles et du sang aux racines, un corps noir qui se balance dans la brise du sud, étrange fruit suspendu au peuplier. Scène pastorale du valeureux sud, les yeux exorbités et la bouche tordue, parfum de magnolia doux et frais, puis l'odeur soudaine de chair brûlante. C'est un fruit que les corbeaux cueillent, que la pluie rassemble, que le vent aspire, que le soleil pourrit, que les arbres lâchent. C'est là une étrange et amère récolte. Probablement doit-on, pour commencer, Pam Diaye, évoquer la manière dont cette chanson s'est introduite dans le répertoire américain et ce qu'elle a porté de signification forte. Oui, elle est écrite par Abel Méropole, cet instituteur new-yorkais qui l'écrit pour Billie Holiday en espérant que Billie Holiday chantera cette chanson poignante, mélancolique et aussi militante. Méropole était membre du Parti communiste américain. Il voulait dénoncer la situation des lynchages aux États-Unis, plus de 5000 lynchages jusqu'aux années 1960, en particulier dans le Sud, mais également dans le Midwest, dans la région de Saint-Louis. D'ailleurs, il y avait des lynchages dans les années 20 et les années 30. On a montré récemment, d'ailleurs, aux rencontres de la photographie d'Arles, un certain nombre de cartes postales, parfois joyeusement commentées, d'ailleurs, par ceux qui les envoyaient, qui étaient des Blancs, et des cartes postales qui proposaient la photographie de ces exécutions sommaires. Oui, car les lynchages n'étaient pas clandestins pour la plupart, mais ils faisaient l'objet de publicités dans la presse à la veille de l'événement. Il arrivait même dans le Mississippi que les enfants des écoles aient congé pour pouvoir assister à un lynchage. Des cartes postales étaient éditées sur place et étaient ensuite envoyées dans tout le pays. Les lynchages participaient d'une cérémonie terrible, macabre, qui terrorisait la population noire et qui en jouait un rôle dans la grande migration de cette population vers les villes industrielles du Nord. C'est le rôle du Ku Klux Klan en particulier. Le Klan et d'autres organisations suprémacistes blanches, nées après la guerre de sécession, après 1865, parfois ressuscitées dans les années 1910, c'est le cas du Klan, et étaient souvent de mèche avec les autorités locales, avec la police. Combien de policiers étaient membres du Klan dans l'Alabama, dans le Mississippi ou encore en Géorgie? En fait, Pam Diaye, au lendemain de la guerre de sécession, les 4 millions de Noirs qui étaient affranchis avaient espéré devenir des citoyens à part entière. Et pendant 15 ans, ils ont participé activement à la vie politique. Ils ont voté, ils se sont fait élire. Mais les sudistes blancs qui n'avaient pas renoncer au pouvoir, se sont efforcés ensuite, n'est-ce pas, par tous les moyens, de priver les Noirs du droit de vote, de leur liberté. Voilà, et c'est ce qu'ils réussissent à faire à partir de la fin des années 1870, soit plus de 10 ans après la guerre de sécession, en inventant des systèmes qui vont progressivement séparer les deux populations, la population noire de la population blanche, d'abord dans les transports en commun dans les années 1880, puis dans les écoles. Système sanctionné par un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Plessis contre Ferguson de 1896, qui déclare la ségrégation constitutionnelle, légale aux États-Unis. On est égaux, mais séparés. Mais séparés, et donc on est prétendument égaux, et de fait séparés. C'est c'est exactement cela. Et puis, parallèlement, en privant cette population du droit de vote, c'est-à-dire de la possibilité de changer les choses localement. Et ce système de privation du droit de vote et de ségrégation perdure aux États-Unis jusqu'aux années 60, c'est-à-dire jusqu'à un siècle après l'abolition de l'esclavage. Et nous verrons tout à l'heure que précisément c'est un des motifs de rébellion, une des mèches qui a fait à différents moments exploser le baril de poudre, que cette aspiration à voter à nouveau. Oui, car jamais la population noire du sud des États-Unis ne s'est accommodée de cette situation, alors que les espoirs qui avaient suivi la guerre de sécession avaient été aussi importants. Et elle a protesté de toutes les manières possibles, y compris en fuyant le sud, mais aussi évidemment par le mouvement pour les droits civiques. Et on constate déjà des émeutes raciales avant 1914, même si elles se développent, bien sûr, surtout avec cette grande migration que vous évoquez, en particulier à Atlanta en 1906. Voilà, elles sont liées à l'urbanisation des Afro-Américains à partir du début du XXe siècle, d'abord dans les villes du sud des États-Unis, la Nouvelle-Orléans, Charleston ou bien Atlanta, puis dans les villes du nord à partir du milieu des années 1910, à partir de la Première Guerre mondiale. Par exemple, l'émeute très grave de East St. Louis à côté de Ferguson en juillet 1917. Déjà East St. Louis. Déjà, puisque St. Louis est situé sur une grande radiale qui va de la Nouvelle-Orléans vers Chicago. Et donc beaucoup de Noirs du Sud s'arrêtaient à St. Louis, parfois de manière définitive, avant de poursuivre vers Chicago. Et Saint-Louis est une ville très industrielle, avec de grandes usines de matériel ferroviaire en particulier. C'est à Saint-Louis que Josephine Baker est née au début du XXe siècle. C'est à Saint-Louis, ou East St. Louis, que Miles Davis est né. Il y a une culture aussi musicale très propre à cette ville, qui est un grand carrefour de voyageurs afro-américains. Cette grande migration dont on parle, il faut la définir, il faut en donner les causes. Elles sont à la fois, je dirais, positives au sens économique du terme, puisqu'il y a appel des Noirs du Sud pour venir travailler dans les grandes agglomérations industrielles, et peut-être aussi négatives, c'est-à-dire qu'on fuit les conditions de plus en plus précaires des agriculteurs du Sud. Elles sont économiques, en effet, puisque la Première Guerre mondiale occasionne l'interruption de la grande migration européenne qui faisait tourner les usines américaines jusque-là, et elle suscite également des besoins en main-d'œuvre très importants dus aux commandes de guerre. Et puis au même moment, l'agriculture du Sud est en crise, le prix du coton baisse, il y a également le charançon du coton qui ravage le sud des États-Unis et qui pousse la population noire vers le nord. Et à quoi s'ajoutent, bien sûr, les facteurs politiques dont on parlait, la ségrégation, la privation du droit de vote, les lynchages, les formes de violence exercées qui occasionnent un énorme déplacement de cette population par centaines de milliers. Il y a des comtés dans le Mississippi, par exemple, qui se vident de leur population noire parce que tout le monde prend le train, parfois à l'insu de la population locale, de la police locale qui essaie de retenir les travailleurs des champs dont les propriétaires ont besoin. On ferme les gares, mais les gens marchent, sautent ou attrapent les trains en marche pour pouvoir quitter le sud et s'installer dans le nord, à Memphis d'abord, et puis ensuite à Saint-Louis, à Chicago, et puis sur la côte est, en direction de Philadelphie, de New York et de Boston. Les soldats qui ont combattu, les soldats américains noirs qui ont combattu contre les empires centraux à partir de 1917, une fois revenus au pays, anciens combattants, on dit vétérans en américain, ont joué un rôle aussi dans cette évolution des sensibilités et de la sociologie même de ces ensembles de populations noires au nord. Oui, car ils reviennent avec une expérience, non seulement militaire, mais aussi une expérience sociale, celle, par exemple, d'avoir passé du temps en France et d'avoir expérimenté une société qui, si elle n'est pas dépourvue de toute trace de racisme, n'est quand même pas structurée par la ségrégation. Ils reviennent avec une image très positive de la France, avec des perspectives aussi d'émancipation politique, car ils ont rencontré aussi des tirailleurs sénégalais, des soldats antillais avec qui ils ont pu échanger. Et qui pouvaient être à la terrasse des cafés avec des soldats blancs. Tout à fait, et même avec des femmes blanches, ce qui, aux États-Unis, était tout à fait inconcevable. Et puis il rentre aux États-Unis pour travailler dans les villes du Nord. Il ne rentre pas dans le Sud, pour beaucoup. Bref, les soldats afro-américains de la Première Guerre mondiale ont contribué à des formes d'éveil politique du monde noir, en même temps que renforcer le processus de grande migration. Alors dites-nous, Pamdia, dites-nous quelles ont été les premières émeutes urbaines, notamment à Chicago. Je dis Chicago car c'est une ville que vous connaissez bien, vous en avez raconté l'histoire dans un beau livre avec Andrew Diamond il y a quelques années. Comment surgissent ces émeutes? Il y a celle de juillet 19 à Chicago qui a beaucoup frappé évidemment les esprits. Est-ce qu'elles sont semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui ou sont-elles différentes? Elles sont un peu différentes. La grande vague d'émeutes de l'été 1919, la plus violente est celle de Chicago, en effet, qui cause la mort de plusieurs dizaines de personnes, après celle de East St. Louis, 2 ans avant, qui elle aussi a causé la mort d'au moins 50 personnes, surviennent à l'issue d'un incident, généralement entre un jeune noir et puis un jeune blanc, un incident lié à un regard de travers. Là, c'est à la plage. En ce qui concerne Chicago, un adolescent noir qui nageait dans le lac Michigan est revenu vers le rivage et puis, emporté par le courant, il est revenu du côté de la plage réservée aux blancs. Il a donc été accueilli par des lancers de pierres et il s'est noyé. Et c'est à la suite de cette noyade que une émeute commence. C'est un vrai apartheid comme on l'a connu en Afrique du Sud. C'est très semblable à l'apartheid. L'émeute commence à Chicago. La grande nouveauté à Chicago, c'est que la population noire résiste et que donc il y a aussi des morts du côté de la population blanche. C'est la première fois que ça arrive, contrairement à ce qui se passait jusque-là où la population noire était victime. Là, il y a une forme de résistance qui s'ébauche et qui fait d'ailleurs de Chicago un lieu symbolique de forme de résistance urbaine qui ont caractérisé la vie politique dans les quartiers sud de Chicago dans les années 20 et dans les années 30. Dans presque toutes ces émeutes, on voit le rôle très important du chef de la municipalité, dont la personnalité compte et pèse dans l'évolution des événements. Oui, parce que le maire de Chicago, en l'occurrence, ce fameux Big Bill Thompson, lié à la mafia dans les années 20, contrôle la police municipale. Big Bill, comme toujours, c'est un surnom, le grand Bill, le grand William. Voilà, il se caractérisait par une corpulence des plus spectaculaires. Il est lié à la mafia, il contrôle la police locale. C'est évidemment un maire qui entend contrôler politiquement sa ville avec l'aide de la police. C'est une caractéristique de ces grandes villes que d'avoir des forces de police liées politiquement à la municipalité. Avec dès ce moment-là un rapport, on réunit une commission, en l'occurrence, sur les relations entre les races, c'est le nom de cette commission, avec un rapport. Et toute cette histoire sur un siècle est parcourue, parsemée de rapports successifs avec évidemment des fortunes diverses et souvent médiocres. Oui, c'est vrai. Ce rapport est d'ailleurs fait par des sociologues de l'Université de Chicago. C'est un des premiers grands moments de la sociologie, célèbre école de sociologie de Chicago. Ces rapports se multiplient tout au long du siècle, comme par exemple après l'émeute de 1935 à Harlem, sans parler bien sûr des grandes émeutes des années 60 qui ont elles-mêmes suscité nombre de rapports qui oscillent entre une dénonciation du comportement violent d'une partie de la population noire et donc d'une certaine manière qui justifie l'emploi de moyens violents contre elle et puis l'analyse de conditions socio-économiques, celles des grands ghettos qui évidemment apparaissent à partir du début des années 20 comme à Chicago ou bien Harlem à New York, dans lesquelles la population noire se trouve parquée, soumise à des conditions de vie extrêmement difficiles, de surcroît dans l'impossibilité d'avoir accès à des emplois qualifiés et bien payés. Donc incontestablement, ces rapports sont à la fois une source pour les historiens et en même temps ils doivent être lus avec distance parce qu'ils témoignent évidemment d'un moment et d'un point de vue particulier. C'est dans cet entre-deux-guerres que a vécu son enfance la jeune Angela Davis, personnalité ensuite éminente, des Panthères Noirs, des Black Panthers. En fait, il faut donner le nom des Black Panthers complètement. Oui, ce sont les Black Panthers for self-defense, c'est-à-dire pour l'autodéfense. Et le sous-entendu des Black Panthers, donc créé à à Oakland en 1966, le sous-entendu, c'est l'autodéfense contre la police. La police, aux États-Unis, du point de vue de la population noire, a une image très défavorable, celle d'être du côté des forces de répression et hostile à l'égalité, hostile aux demandes répétées des Noirs pour l'accès au travail et pour l'accès à des meilleures conditions de vie. Eh bien, Angela Davis, interviewée par Jacques Chancel dans la célèbre émission Radioscopie sur France Inter le 9 mai 1977, Angela Davis évoque son enfance dans un milieu qui est déjà marqué par la nécessité éprouvée comme telle d'une autodéfense, de la force contre des attaques éventuelles. En France, c'est peut-être un peu difficile de comprendre le fait qu'il faut réclamer le droit de se défendre aux États-Unis. Vous savez, je suis née au Sud, j'ai passé toute mon enfance. Vous êtes née dans l'Alabama. Dans l'Alabama, oui. La première chose dont je me rappelle de toute ma vie, c'est les plastiquages des maisons. Les explosions. Des explosions. Mon père, il avait des armes parce qu'il fallait, nous avons reçu des menaces, il fallait pouvoir se défendre parce que tout le gouvernement municipal, c'était pendant un moment où George Wallace il était gouverneur. Alors, c'était la police, c'était le chef du département de police qui a provoqué, qui a organisé ces explosions. C'est qui a dit au Ku Klux Klan qu'il y a une famille noire qui a acheté une maison qui est dans la partie de la ville qui est la partie blanche. Alors, il disait à la radio, ce soir, nous allons voir du sang partout, parce que les Noirs n'ont pas le droit d'envahir nos communautés. Alors, pendant toute mon enfance, la violence était quelque chose de très quotidienne, presque. Déjà, Pam Diaye, le rôle du chef de la police ? Oui, ce fameux Bull Connor, célèbre parce que Martin Luther King disait notamment de lui qu'il faudrait lui faire une statue, tant son comportement violent avait dressé la population contre lui et suscité la sympathie de l'ensemble des États-Unis pour les Noirs de Birmingham. Bull Connor était à la fois le chef de la police au début des années 60, en même temps que un partisan résolu de la suprématie blanche liée à des groupes violents, et lui-même a trempé dans certains des attentats les plus violents qui ont secoué Birmingham, qu'on appelait Bombingham dans les années 60, tant la violence caractérisait cette ville. Birmingham qui est, comme chacun sait, une ville de l'Alabama, c'est-à-dire vraiment du plein sud. Voilà, de cet état qui est, avec le Mississippi, l'état où la ségrégation était la plus fortement institutionnalisée, avec un personnel politique suprémaciste qui résistait de toutes ses forces aux droits civiques. Quel rôle va jouer la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire de ces relations entre la population noire des États-Unis d'Amérique et la police, qui est le sujet de notre émission de ce matin ? La Seconde Guerre mondiale a d'abord pour effet de placer la ségrégation sur la défensive, en ce que les partisans de la ségrégation se trouvent défavorablement associés au régime ennemi impérialiste nazi, pour qui le racisme, évidemment, avait force de loi, à un niveau de violence autre, bien entendu, mais on voit bien que les choses changent à partir de là. Et puis la deuxième chose, c'est que en 1945, les soldats noirs, qui comme en 1919 rentrent au pays, ils rentrent avec une expérience militaire, et ils gardent leurs fusils, et on s'inquiète beaucoup dans le sud de ces jeunes qui ont combattu en Europe et qui ne sont plus disposés à s'asseoir à l'arrière des bus. Dès lors, les incidents se multiplient dans les villes du sud des États-Unis, y compris à Washington d'ailleurs, car Washington est à bien des égards une ville sudiste, entre des policiers blancs et des soldats noirs démobilisés qui n'entendent pas se laisser faire. Bull Connor se distingue déjà par son acrimonie à l'égard de ces soldats. Il y a même quelques officiers noirs désormais. Il y a des officiers noirs, contrairement à la Première Guerre mondiale, qui parfois d'ailleurs font carrière par la suite dans l'armée américaine, mais ils sont très peu nombreux. L'ensemble de ces soldats noirs va constituer une force importante dans le mouvement pour les droits civiques. La Seconde Guerre mondiale forme des militants qui vont accompagner Martin Luther King et les autres dans leur combat à partir des années 50. Et un certain nombre d'observateurs commencent à l'extérieur aussi de se préoccuper de cette évolution, enfin d'y attacher de l'intérêt, de l'étudier. Je pense en particulier au livre du fameux économiste suédois Gunnar Myrdal, le dilemme américain, qui mérite qu'on s'y attarde un instant. C'est un grand livre qui paraît en 1944 et qui souligne le paradoxe d'un pays, les États-Unis, qui combattent au nom de la démocratie alors qu'en leur sein, les principes démocratiques ne sont pas respectés. Et Myrdal entrevoit les changements à venir tout en notant la très forte résistance de la population blanche du sud des États-Unis et la relative indifférence des autorités politiques. Un Roosevelt, si connu pour ses grandes perspectives de réforme des années 30 avec le New Deal, était d'une très grande prudence à l'égard des inégalités raciales tant il ne voulait pas effaroucher les démocrates blancs du sud dont il avait besoin pour ses réformes sociales. Et pour être réélu. Et pour être réélu. 4 fois. Dès lors, Roosevelt n'a pas touché à cette question, même si, sans doute, philosophiquement, lui et surtout sa femme, Éléonore, étaient certainement opposés au racisme institutionnel qui prévalait aux États-Unis alors. D'ailleurs, Claude-Catherine Kegeman, dans une belle biographie récente d'Éléonore Roosevelt, nous le rappelle. Au demeurant, c'est sous Roosevelt encore, peu avant sa mort, qu'éclatent les terribles altercations entre noirs et blancs à Détroit en juin 1943. Et c'est un cas où déjà, avec une ostentation que chacun peut observer, la police se range du côté des blancs. La police se range systématiquement du côté des blancs, participe même à l'émeute en tirant et en se comportant à l'égard des jeunes noirs qui manifestent d'une façon extrêmement violente, en n'étant absolument pas neutre. Cette émeute de 1943, qui commence là aussi par un incident dans un parc public, marque profondément la ville et annonce d'ailleurs certains des changements de l'après-guerre dans une ville comme Detroit et dans combien d'autres grandes villes industrielles du pays. L'automobile, Detroit, c'est la ville de l'automobile. C'est la ville de l'automobile qui accepte enfin d'avoir des ouvriers noirs. Chez Ford, on refusait les ouvriers noirs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis à Detroit, à partir des années 50, la population blanche va quitter la ville pour s'établir en banlieue. C'est ce qu'on appelle le white flight, hein, le départ des blancs, de telle sorte que Detroit va devenir une ville de plus en plus noire, jusqu'à être aujourd'hui à 85% noire, ceinturée de banlieues où la population blanche, y compris la population ouvrière, réside. Ce qui, du coup, modifie grandement la topographie des émeutes et de leur répression. Exactement, cela modifie la topographie des émeutes des années 60. Cela modifie beaucoup plus lentement la vie politique, au sens où si ces villes comme Detroit se colorent, pour autant, le personnel politique local, lui, reste un personnel politique blanc, exactement comme la ville de Ferguson aujourd'hui, qui, depuis une dizaine d'années, est devenue une ville fortement africaine-américaine, ce qu'elle n'était pas il y a 20 ou 30 ans, alors même que la police et le personnel municipal sont restés un personnel blanc, héritier d'une sociologie qui a changé depuis 10 ou 15 ans. Alors, pour contribuer, Pape Ndiaye, à restituer ce que peuvent être les sensibilités des camps adverses, un reportage parmi beaucoup d'autres. J'ai choisi celui-ci dans l'émission de télévision 7 jours du monde du 24 mai 1963, un reportage du journaliste Maurice Werther. Don't let nobody turn you round, don't let nobody turn you round. Keep on to freedom land. C'est le blues des manifestants noirs de Birmingham. Les paroles en sont très simples. Personne ne nous fera rebrousser chemin sur le chemin de la liberté. Ces images, vous les avez déjà vues au journal télévisé. Elles vous montrent comment la police de l'État d'Alabama a repoussé les noirs qui manifestaient à Birmingham pour demander l'égalité des droits. Nous sommes très choqués ici en Alabama de la réaction à la presse mondiale, la presse française, même la presse américaine de le Nord. On considère Alabama ici comme les barbares. Nous ne sommes pas. La police était magnifique l'autre soir quand nous avons notre difficulté. Ils sont patients, ils sont très bien. Ils essaient de contenir la foule dans un square. Ils ne veulent pas que les foules, se répandent dans la ville. Parce que si la foule a répandu dans la ville, il y aura beaucoup de batailles avec les banques et il y aura beaucoup de gens tués. Cet Américain s'appelle Latrop. Il est d'origine française. Sa famille est installée dans le Sud depuis 1870. Ce motel a été plastiqué par les extrémistes blancs. Devant Sherwin, le leader noir, le pasteur Luther King, s'étonne que la police locale et le FBI, la meilleure organisation policière du monde, n'aient pas encore retrouvé les auteurs de l'attentat. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. J'ai voulu, Pamdiaï, vous faire entendre à la fois le point de vue, évidemment, de la population blanche qui n'est pas unanime, et puis faire surgir déjà Martin Luther King dans cet extrait. Oui, Martin Luther King s'étonne de ce que la police locale n'ait pas retrouvé les auteurs de l'attentat, et pour cause, puisque la police locale est de mèche avec les auteurs de l'attentat. Il en va différemment du FBI, qui est une force de police nationale, qui ne dépend pas de la municipalité, et qui a joué un rôle assez important pour enquêter sur ce genre d'événements comme ceux de Birmingham au printemps 1963. Et puis on a entendu un partisan de la ségrégation d'origine française louer la police pour son calme, la maîtrise avec laquelle elle empêchait les émeutes de dégénérer. Il est bien entendu représentatif d'une fraction importante de la population blanche de Birmingham qui place tous ses espoirs dans la répression, dans la police. À ce moment-là, il faut aussi noter qu'une petite partie de la population blanche du Sud prend fait et cause pour la population afro-américaine, participe au mouvement pour les droits civiques, à ses risques et périls d'ailleurs, car l'animosité des partisans de la suprématie blanche est encore plus vive à l'égard des amis blancs des noirs, qui sont vus comme des traîtres, en effet. Et c'est vrai pour les gens du Sud, c'est vrai aussi pour tous ces jeunes étudiants qui viennent des grandes villes du nord des États-Unis et qui risquent leur vie, certains en sont morts, pour mettre fin à la ségrégation. On ne s'étonne pas, par conséquent, de voir que quand on fait des sondages, notamment à Ferguson ou à St. Louis, il y a de fait de grandes différences dans l'appréciation des événements quand on consulte des populations blanches ou des populations afro-américaines. Oui, la population afro-américaine est mobilisée pour dénoncer les exactions policières et surtout l'impunité dont les policiers jouissent après avoir tué sans raison des jeunes noirs, tandis que une majorité de la population blanche considère que, somme toute, cette situation n'est pas tout à fait anormale au vu du quartier, de l'heure et de la situation générale dans laquelle ces événements sont survenus. Mais on notera quand même, en ce qui concerne l'affaire de Ferguson, de même à New York d'ailleurs, qu'une partie de la population blanche a manifesté de façon assez véhémente des étudiants sur les campus américains qui montrent que, au-delà de la population afro-américaine, on a quand même des segments importants de la population américaine en général qui sont indignés légitimement, de mon point de vue, par l'impunité de la police et aussi par la violence qu'elle use à l'égard des jeunes noirs. C'est vrai en ce qui concerne les affaires dont on a parlé à Ferguson, par exemple, ou bien à Cleveland, mais c'est vrai de façon répétée chaque année, depuis longtemps maintenant, la police américaine tue environ 400 personnes par an, et souvent dans des circonstances qui sont tout à fait problématiques. Sur la très longue durée, il y a une évolution marquée de l'opinion publique majoritairement blanche, effectivement, et peut-être aussi d'origine latino, comme on dit, d'origine venue d'Amérique latine. Il y avait déjà eu après la guerre de sécession, une sorte d'élan, dès lors qu'on avait supprimé l'esclavage, d'espérance, d'égalité, mais qui était vite retombée. Vite retombée en raison de la ségrégation qui se met en place à partir de la fin du 19e siècle, et puis également en raison d'un rapport de force qui est très défavorable à la population noire. Et donc, de ce point de vue-là, la police est un symbole, justement, d'une répression souvent aveugle, que les changements de la police des années 60 n'ont d'ailleurs pas entièrement modifié, puisque c'est à partir des émeutes des années 60 que la police va progressivement s'ouvrir aux Noirs et aux Hispaniques, ce qui était très rarement le cas auparavant. Il y a des terrains d'affrontement variés suivant les moments. Il y a notamment le refus de l'apartheid physique dans les transports et partout. Et puis, il y a l'accès au droit de vote. Il faut évoquer l'épisode qui est resté emblématique en 1955 de Rosa Parks à Montgomery, dans l'Alabama, au cœur vraiment du Sud américain. Évoquer cette personne qui a disparu assez récemment et qui est restée une figure magnifique, emblématique de la lutte contre la ségrégation. Oui, Rosa Parks était une militante des droits civiques. Elle voulait être arrêtée. Elle a réussi à être arrêtée précisément pour lancer une action juridique contre la ségrégation dans les transports en commun de sa ville de Montgomery. Et lorsqu'elle est arrêtée par la police le 2 décembre... Parce qu'elle avait refusé de céder sa place. Parce qu'elle a refusé de céder sa place, parce qu'elle voulait être arrêtée. Et si vous regardez la photo de Rosa Parks prise par la police dans les bureaux de police de Montgomery le 2 décembre 1955, vous verrez que Rosa Parks affiche un petit sourire de satisfaction parce que sa mission est remplie et que, dès lors, une action judiciaire va pouvoir être lancée contre la ségrégation à Montgomery, et puis surtout le grand mouvement pacifique de boycott des bus de Montgomery qui va mettre fin à la ségrégation dans cette ville. J'ai souvent pensé, même si évidemment il s'agit de circonstances complètement différentes, au cas de Mounier à la veille de la grande révolution française, à qui un noble demandait de façon impérative de céder sa place au théâtre. Et cela a été aussi un moment décisif et emblématique. Il y a ces moments symboliques qui sont des moments aussi qui sont pensés comme politiques. Autrement dit, il faut organiser des provocations, en quelque sorte, qui permettent des formes de mobilisation de la population et également des actions judiciaires pour mettre fin à la ségrégation. C'est une tactique, si vous voulez, éprouvée du faible au fort, pourrait-on dire, qui permet de mobiliser, qui fait la une de la presse. C'est une forme de non-violence qui a été très efficace aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un autre terrain d'affrontement, c'est évidemment la question du droit de vote, puisque de fait, par divers moyens, on empêchait les Noirs de voter au Sud. Et cela, c'est l'origine des émeutes de Selma, qui mérite qu'on s'y attarde aussi un instant, par comparaison avec celle d'aujourd'hui. Voilà, à Selma, en mars 1965, la population noire ne peut toujours pas voter. C'est la grande loi de juillet 65 qui rétablit les droits civiques. Sous des prétextes divers. Il fallait prouver qu'on avait suffisamment de culture, voilà, notamment. Voilà, passer un test de lecture et d'écriture. Il y avait, on raconte l'histoire d'un électeur potentiel à qui on refusait de voter et qui on a demandé ce que voulait dire le mot métempsychose. Il a répondu, je sais très bien ce que ça veut dire, cela veut dire que je n'ai pas le droit de voter. Voilà, et la population noire n'était pas dupe de ces expédients juridiques qui avaient pour objet de l'écarter des urnes. Cela prend fin donc à l'été 1965 et il faut pour cela avant une forme de grande mobilisation, notamment cette marche organisée de Selma à Montgomery dans l'Alabama au printemps 1965 et qui se heurte à la police sur un fameux pont près de Selma. La police charge, tire, il y a de très très nombreux blessés, ce qui montre là encore à quel point les polices locales et régionales étaient tout entières au service de l'ordre de la ségrégation et dès lors étaient vues comme particulièrement hostiles par les militants comme Martin Luther King qui se méfiait de la police. Lui a été arrêté 14 fois dans sa vie. Emprisonné 14 fois. Sa crainte, c'était d'être tué par des gardiens de prison, par exemple. On aurait ensuite prétexté de je ne sais quoi pour justifier sa mort. C'était quelque chose qui était relativement courant dans le sud des États-Unis à cette époque-là. C'est peut-être l'occasion d'évoquer les différents niveaux de la police. Il y a la police municipale, qui est évidemment particulièrement violente dans le sud et probablement particulièrement raciste très, très largement. Il y a la police des États et puis il y a effectivement le FBI. Il y a la garde nationale et puis l'envoi des troupes fédérales. Le gouvernement américain, à partir de 1957, qui ne peut s'appuyer sur les forces de police locales et régionales, tant elles sont contaminées par les organisations suprémacistes blanches comme le Klan, va s'appuyer sur des forces de police nationales, le FBI pour les enquêtes, mais aussi sur l'armée, la garde nationale et puis des forces régulières de l'armée comme la 101e division de parachutistes qui s'était illustrée au-dessus de la France en juin 1944 et qui est envoyée dans le sud des États-Unis pour protéger les enfants noirs de Little Rock, par exemple, dans l'Arkansas, pour les protéger lorsqu'ils entrent dans une école blanche. Little Rock a été aussi un lieu symbolique, très, très observé, notamment depuis l'Europe. Oui, et on a vu à Little Rock, en 1957, une opposition très forte entre la police locale et les soldats qui ont été envoyés là par Eisenhower. Et on se rend compte dès lors que le mouvement pour les droits civiques, ce sont aussi des oppositions très fortes à l'intérieur des forces publiques. Il y a des bagarres entre policiers locaux et soldats et également soldats de la garde nationale. Eisenhower, qui était à l'époque président des États-Unis et en même temps demeurait un grand militaire. Je note en passant qu'actuellement, au Mexique, le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait envoyer une sorte de police fédérale dans un grand nombre de régions et de municipalités où la police est profondément gangrénée par la corruption et par l'influence de diverses mafias. À Ferguson, dans le Missouri, le système judiciaire local a acquitté le policier responsable de la mort du jeune Brown. Le gouvernement fédéral ne peut pas faire grand-chose contre cela, mais il peut néanmoins agir en lançant une procédure judiciaire pour violation des droits civiques de Brown, ce qui permettrait de contourner en quelque sorte la mauvaise volonté locale à enquêter sérieusement sur cette affaire. Donc le gouvernement fédéral, à la fois du point de vue de la police et du point de vue judiciaire, a des cartes en main pour contourner les oppositions locales. Ensuite surviennent les grandes émeutes de Los Angeles en 1965, et pour rendre compte de l'ambiance de cette guérilla urbaine qui a beaucoup détruit, qui était d'une grande violence, ce reportage de Michel Enfrol dans Interactualité le 15 août 1965. Je suis précédé en ce moment d'une Jeep sur laquelle est installée une mitrailleuse. Quatre soldats de la 40e division blindée sont à bord de cette Jeep. Ils me précèdent, ils m'ont conseillé de rester derrière eux. Tout autour de moi, c'est un spectacle épouvantable. Tous les magasins sont saccagés. Il n'y a plus une seule vitre sur toutes ces boutiques. Je suis sur Broadway, toujours l'une de ces grandes artères commerciales qui traverse le quartier noir au sud du quartier central de Los Angeles. Et ces patrouilles de militaires américains entrent dans toutes les boutiques pour voir ce qui s'y passe, pour essayer d'y surprendre éventuellement un pillard qui serait fait à ce moment-là prisonnier. Partout sur la chaussée, ce sont des traces des bagarres des jours précédents, des morceaux de verre qui traînent, des sacs, des pneus, tous les objets qui ont été jetés hors des magasins. Tous les magasins défoncés, voici encore des barrages de police, je vais tâcher d'ailleurs de me rapprocher de l'un d'eux. C'est une véritable atmosphère de guerre ici. Encore des ambulances qui passent dans les rues et les hélicoptères toujours au-dessus de nos têtes. J'ai quitté à une bifurcation la Jeep pour suivre une voiture de police pendant que une autre voiture maintenant de police me précède avec quatre policiers à l'intérieur. Les trois qui ne conduisent pas sont armés chacun d'une mitraillette et observent les environs. Il y a environ maintenant 3 ou 4 kilomètres que je roule ainsi derrière d'abord la voiture de l'armée, maintenant la voiture de la police. Et toujours au milieu de ces boutiques dévastées, ravagées, saccagées. C'est un spectacle incroyable qu'une ville aussi moderne, aussi civilisée que Los Angeles offre exactement la même image qu'une ville de 1944 en Normandie, par exemple, après les bombardements. Devant moi maintenant un groupe de noirs. Je suis revenu sur Broadway, à un autre endroit de Broadway. Quatre policiers qui font marcher devant eux, les bras en l'air. Trois noirs, certainement surpris, en train de piller un magasin. Oui, ils sont d'ailleurs en ce moment devant toute une rangée de supermarchés. Deux coups de feu viennent d'être tirés à l'instant, alors que j'étais descendu de la voiture pour parler avec un groupe de policiers, avec ces policiers justement qui venaient de faire prisonniers quelques pillards surpris dans ce supermarché. Deux coups de feu ont été tirés. Aussitôt, les policiers se sont abrités derrière des voitures, mais apparemment, maintenant que je remets en marche le magnétophone, plus rien du tout. Simplement, des policiers me conseillent d'aller me mettre en sécurité derrière quelques murs ou bien quelques poteaux pour m'abriter afin de ne pas recevoir des coups de feu. Ce sont des pistolets de petit calibre, m'a-t-il dit, qui sont utilisés. Comparaison avec 1944, ce journaliste n'y va pas de main morte. C'est légitime, ce rapprochement, Pape Diaye ? C'est exagéré. Certainement, la situation dans les quartiers sud de Los Angeles à l'été 65 est très dure. Il y a d'ailleurs plusieurs dizaines de morts, 34 ou 35 à ce moment-là. Ça n'est pas rien, mais on est loin tout de même d'une situation de guerre. Le quartier va porter les traces de ces émeutes pendant de nombreuses années, des traces de magasins pillés ou brûlés. Et c'est évidemment significatif de la rage, de la colère d'une partie de la population noire, non pas dans le sud, puisque dans le sud, d'une certaine façon, les choses sont en passe d'être gagnées, mais dans ces ghettos du nord, pour qui la question du droit de vote ne se posait pas, mais pour qui la question des discriminations dans l'accès à l'emploi et puis également dans le logement se pose de manière très aiguë, et ce depuis les années 1920. Avec évidemment l'émergence de groupes de pillards qui, dans un deuxième temps, souvent justifient aux yeux de la police la répression qu'elle exerce. Oui, il y a comme un jeu assez classique entre la répression et puis des jeunes qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour manifester leur colère. Beaucoup de magasins sont visés parce que ces magasins peuvent être aussi très emblématiques à leurs yeux de politiques de prix très élevés. Dans les ghettos, contrairement à ce qu'on pense, la vie est chère, les produits sont de mauvaise qualité et donc beaucoup de commerces avaient une mauvaise réputation et ce sont ces commerces-là qui sont visés en premier pendant les émeutes des années 60 mais également à Los Angeles en 1992. Comme il est naturel, dans ces années 60, puis 70, s'opposent du côté de la communauté afro-américaine deux courants. D'un côté, ceux qui autour de Martin Luther King prêchent la non-violence, et ceux qui, au contraire, avec les Black Panthers, expliquent que puisque les Noirs sont la cible permanente de la police blanche, alors il faut répliquer avec les mêmes armes. Martin Luther King étant assassiné le 4 avril 68, à l'âge de 39 ans, il devient une sorte d'icône de ce fait. Du coup, ceux qui sont partisans de la manière forte pour répliquer aux armes des policiers étendent leur influence. C'est le temps du succès des Black Panthers, ce que nous évoquions tout à l'heure. Écoutez ce reportage de Jean-Claude Héberlé sur le discours de Stokely Carmichael, qui est le leader du Black Power. On est en avril 1968. Héberlé est le correspondant de France Inter aux États-Unis. Nous devons agir par représailles après l'assassinat de Dr. King, a-t-il dit. Nous devons répondre non pas dans les cours de justice, mais dans les rues des États-Unis. Ce qui nous manque maintenant, a dit Carmichael, ce sont des fusils, mais des fusils, nous allons nous en procurer. Il ajoutait également, après tout, les Noirs n'ont pas peur de mourir, ils meurent en prison, ils meurent dans leur ghetto, ils meurent au Vietnam. Alors, puisqu'aussi bien ils doivent mourir, autant s'arranger pour faire mourir quelques Blancs avec nous. Voilà ce qu'a dit exactement Carmichael hier matin. Je dois dire d'ailleurs que la télévision américaine, avec ce sens de l'information qui la caractérise, a donné la proclamation de Carmichael comme exactement au même titre que toutes les autres informations de la journée. Il n'y a pas eu aucune forme de censure. Alors ce soir, cette nuit plutôt, la ville de Washington est un désert. Il n'y a absolument personne dans les rues. Il ne m'a pas été possible de me procurer le journal du matin, qu'on trouve en général très tôt au milieu de la nuit en vente dans les rues, au coin des rues. Il y a quelques voitures qui passent de temps à autre, ce sont des voitures de police, ou bien les voitures habituelles. Le mot police est apparent, on le voit de très loin. Il y a aussi un flash tournant sur le toit, oui. Ou bien des voitures plus discrètes qui contiennent généralement des gens de la garde nationale ou des soldats qui ont été rappelés. Tous portent le casque, le masque à gaz, le bâton habituel, mais aussi des fusils. On a même vu quelques fusils M16, comme ceux qui sont en service au Vietnam. On a vu aussi ce fusil à canon court et large, qu'on peut utiliser aussi bien en tenant à la hanche qu'en tenant à l'épaule, et qui doit, paraît-il, faire des miracles en cas d'émeute. Affrontement violent, éventuellement, qui est évidemment favorisé par l'abondance des armes aux États-Unis, par l'accès très facile à l'acquisition de celles-ci. Oui, l'accès facile aux armes est une des raisons aussi de la violence policière, puisque les policiers sont dans des situations souvent de panique, en imaginant que le suspect éventuel dispose d'une arme. Mais du côté des Black Panthers, on a affaire à une violence qui demeure très symbolique. On est habillé de cuir noir avec des bérets, on montre volontiers ses armes, on les utilise beaucoup plus rarement. Et de fait, ce sont plutôt les militants Black Panthers qui ont été victimes de violences policières, qui ont été assassinés. C'est le cas aussi de beaucoup de militants comme Newton, l'un des deux fondateurs des Black Panthers. Angela Davis a été mise en prison. Angela Davis a été mise en prison. Donc les militants des Black Panthers ont payé le prix d'une radicalité qui n'a jamais débouché sur des formes de violence radicale contre les policiers ou d'actes terroristes. Nous évoquions le rôle éventuellement pacifiant de la police fédérale, mais il faut dire aussi que le FBI, à l'époque de Edgar Hoover, le fameux Edgar Hoover, a contribué avec des méthodes peu démocratiques à démanteler les Black Panthers. Il a en particulier systématiquement déconsidéré par des rumeurs infâmes Jean Seberg, la comédienne de À bout de souffle de Godard, qui était la femme de Romain Gary, en la conduisant finalement au suicide. Systématiquement, Hoover a pénétré le monde des Black Panthers, et d'ailleurs avec un certain succès. C'est une autre forme de combat de la police, mais beaucoup plus sophistiquée, contre les potentiels émeutiers. Oui, ce sont des techniques des services de renseignement ou d'espionnage. Le FBI a créé un service dit COINTELPRO, spécialisé dans l'infiltration des mouvements radicaux, du côté notamment des Black Panthers, avec des informateurs et puis également des fausses informations qui contribuaient à susciter des animosités entre les différentes figures du mouvement. Et en effet, cela a été très efficace, et dès lors, les mouvements radicaux noirs déclinent très fortement dans les années 1970. Il faut ajouter également que les années 70 sont caractérisées par une énorme crise économique et sociale des ghettos noirs. La drogue arrive de manière massive et contribue aussi à la désagrégation politique de ces mouvements qui étaient si actifs dans les années 60. D'ailleurs, après les années qu'on peut dire conservatrices de Ronald Reagan ou de George Bush, le père, on voit au début des années 90 des émeutes qui éclatent à nouveau à Los Angeles, en particulier en 1992, et qui révèle la persistance de ces difficultés socio-économiques des habitants des ghettos et l'impuissance des maires des grandes villes, même si dans certains cas ce sont pour la première fois des maires noirs, à y remédier durablement. Les émeutes de 92 ont été marquées par un élément nouveau et original, c'est l'utilisation des moyens modernes d'enregistrement pour pouvoir montrer des comportements de la police, les faire savoir et par conséquent faire naître de très violentes indignations. Il y a eu un film montrant des policiers se réunissant à plusieurs pour tabasser un malheureux automobiliste. Et évidemment, à notre époque, aujourd'hui, avec les téléphones portables, cette possibilité s'est accrue énormément. Mais il y a en même temps ces jurys dominantes blanches qui prennent les décisions que l'on constate. Alors un mot pour finir sur l'attitude du président Obama, parce que pour la première fois, on a un président noir à la tête des États-Unis, ou en tout cas métis. Comment situer sa réaction, Pam Diaye? au moment de clore notre conversation? Elle est en droite ligne avec sa très grande prudence à l'égard de ces questions depuis son élection en 2008. Il ne veut surtout pas apparaître comme étant le président des Noirs américains, donc il s'est distancié beaucoup du monde noir. Et il est en quelque sorte rattrapé au cours de son deuxième mandat par une affaire où il est en quelque sorte poussé à s'engager. Il l'a fait de façon extrêmement prudente et puis poussé par les événements, il a pris un peu l'initiative ces temps-ci. Mais beaucoup jugent que c'est très tardif, d'autant que la situation générale des Noirs américains depuis 2008 ne s'est pas améliorée. Les écarts de richesse, les écarts de discrimination, en particulier dans le système judiciaire ou bien dans la manière dont les policiers se comportent avec la population noire, n'ont pas changé avec la présidence Obama. D'une certaine façon, Obama paye aujourd'hui le prix de son éloignement politique du monde noir, éloignement qui a pourtant été utile, voire nécessaire, pour son élection et sa réélection. 95% des Noirs ont voté pour lui, nous disent les sondages. Mais c'est aussi la première fois où Obama évoque très directement les manifestations de racisme qu'il a dû subir. Il évoque les moments où, dans un hôtel, un blanc lui a tendu les clés de sa voiture pour qu'elle aille les ranger ou lui a demandé un café. Oui, alors qu'il était président, n'est-ce pas ? Ce qui est tout à fait extraordinaire, ce qui montre aussi que ces expériences-là ne sont pas simplement celles de la fraction la plus pauvre, la plus marginalisée des quartiers pauvres des grandes villes américaines, mais également d'une partie de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie afro-américaine, qui a certes conquis des positions très importantes, mais qui n'est pourtant pas indemne d'un certain nombre d'expériences qui peuvent être des expériences très humiliantes. Merci Pam Diaye, merci. Le livre principal que vous avez consacré à cette question, Les Noirs américains en marche pour l'égalité, c'est sous ce titre le volume de la collection Découverte, la précieuse collection Découverte chez Gallimard que vous avez publié en 2009. J'ai fait référence aussi à l'ouvrage que vous avez rédigé avec Andrew Diamond, Histoire de Chicago, Fayard 2013, et puis du côté de la France, le livre qui s'appelle « La condition noire, essai sur une minorité française » paru chez Calman Levy en 2008. Vous avez été amené forcément à insister aussi sur les différences entre le cas américain et le cas français. Différences, certes, mais aussi certaines similitudes. C'est important car, pour nous, ça. La population noire en France fait aussi l'expérience des contrôles aux faciès et de situations qui peuvent être des situations humiliantes, très difficiles dans l'espace public, dans sa relation avec la police et certaines autorités en général. Je citerai aussi le livre excellent de Nicole Bacharan, « Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche », qui, bien sûr, parle largement de la question des émeutes noires et des rapports entre la population afro-américaine aux États-Unis et la police locale ou nationale. Merci beaucoup, Pam Diaye. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous le savez, vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. Je ne doute pas que vous serez très nombreux à le faire. Il s'agissait de Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Nathalie Lempereur, Jeanne Guéroux et réalisée par Patrick Molinier avec à la prise de son Nicolas Slimani, à la discothèque Romain Couturier et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sophie Gillery.